Bon, en fait, l'idée qui m'a amené à être défenseur des droits humains, d'abord j'ai vécu dans un banlieue en Haïti. Permettez-moi de vous dire que je suis haïtien. J'ai grandi dans un quartier qu'on appelle La Saline, qui se trouve à Port-au-Prince. Et puis, à l'âge de 15 ans, ma famille a décidé de se retirer dans le quartier pour aller à Cité Soleil, un autre quartier assez difficile encore. Quand je suis arrivé là-bas, j'ai vu pas mal de jeunes, pas mal d'enfants qui ont vécu des situations assez difficiles où les droits économiques et socioculturels sont bafoués nuit et jour, où la police intervient dans un contexte où il n'y a pas vraiment de respect. La police ne respecte pas vraiment les droits de ces personnes puisqu'ils vivent dans une situation marginalisante. Donc l'intervention de la police est toujours teintée de cette manière, c'est-à-dire des arrestations illégales. Mais en clair, ce qui m'a poussé à être défenseur des droits humains, c'est au début des années 2004, lorsque j'ai constaté un tas d'arrestations après le départ d'un ancien président, où le pays était plongé dans une situation difficile. Eh bien, à cette époque-là, il y a tellement de jeunes qui se livraient dans des activités criminalisantes, où ils sont souvent traqués par la police de manière qui ne sont pas corollaires avec les principes et le respect des droits humains. Donc à partir de ce moment, moi et pas mal d'amis, nous nous sommes mis d'accord pour mettre sur pied une organisation qui s'appelle Combit pour la paix et le développement. Combit, c'est un mot assez créole, c'est-à-dire un mot qui signifie on se met ensemble, c'est-à-dire ensemble, on se met ensemble. Ensemble, on se rassemble notre force pour avoir la paix, pour avoir un peu de développement au niveau de ces quartiers. Depuis lors, je me suis engagé nuit et jour pour travailler pour le respect et la protection des droits humains au niveau du pays, y compris les zones les plus marginalisées. Autre chose qui m'a manqué aussi, c'est la situation économique précaire des filles et des femmes qui sont en Haïti. La situation des femmes et des filles, je prends à titre d'exemple ma mère. Parce que ma mère ne savait ni lire ni écrire, pourvu qu'elle avait grandi en milieu rural. À cette époque, eh bien, en milieu rural, les parents préfèrent de mettre à l'école leurs fils qui sont de sexe masculin en ignorant celles qui sont de sexe féminin. Eh bien, ma mère a été une de ces victimes. Donc, ma mère ne savait ni lire ni écrire.